Nombre chapitre 10. Puis l'Éternel parla à Moïse, en disant, fais-toi deux trompettes d'argent, fais-les d'ouvrage battu au marteau, et elles te serviront pour convoquer l'assemblée, et pour faire partir les compagnies. Quand on en sonnera, toute l'assemblée s'assemblera vers toi, à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et quand on sonnera d'une seule, les principaux, qui sont les chefs des milliers d'Israël, s'assembleront vers toi. Mais quand vous sonnerez avec un retentissement bruyant, les compagnies qui sont campées vers l'Orient partiront. Et quand vous sonnerez la seconde fois avec un retentissement bruyant, les compagnies qui sont campées vers le Midi partiront, on sonnera avec un retentissement bruyant, quand on voudra partir. Et quand vous convoquerez l'assemblée, vous sonnerez, mais non point avec un retentissement bruyant. Or les fils d'Aaron, sacrificateurs, sonneront des trompettes, et ceci vous sera une ordonnance perpétuelle en vos âges. Et quand vous marcherez en bataille dans votre pays contre votre ennemi, venant vous attaquer, vous sonnerez des trompettes avec un retentissement bruyant, et l'Éternel, votre Dieu, se souviendra de vous, et vous serez délivrés de vos ennemis. Aussi dans vos jours de joie, dans vos fêtes solennelles, et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes, et sur vos sacrifices de prospérité, et elles vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Or il arriva, le 20e jour du second mois de la seconde année, que la nuée se leva de dessus le pavillon du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent, selon leur traite, du désert de Sinaï, et la nuée se posa au désert de Paran. Ils partirent donc pour la première fois, suivant le commandement de l'Éternel, déclaré par Moïse. Et la bannière des compagnies des enfants de Juda partit la première, selon leurs troupes, et Naasson, fils de Aminadab, conduisait la bande de Juda. Et Nathanaël, fils de Tsuar, conduisait la bande de la tribu des enfants d'Issachar. Et Eliab, fils d'Élon, conduisait la bande de la tribu des enfants de Zabulon. Et le pavillon fut désassemblé, puis les enfants de Gerson, et les enfants de Merari, qui portaient le pavillon, partirent. Puis la bannière des compagnies de Ruban partit, selon leurs troupes, et Elitsur, fils de Sédéur, conduisait la bande de Ruban. Et Selumiel, fils de Tsurizadaï, conduisait la bande de la tribu des enfants de Siméon. Et Eliasaph, fils de Deuel, conduisait la bande de la tribu des enfants de Ga. Alors les Kéatites, qui portaient le sanctuaire, partirent, cependant on dressait le tabernacle, tandis que ceux-ci venaient. Puis la bannière des compagnies des enfants d'Ephraïm partit, selon leurs troupes, et Elisama, fils de Amiu, conduisait la bande d'Ephraïm. Et Gamaliel, fils de Pédatsur, conduisait la bande de la tribu des enfants de Manassé. Et Abidan, fils de Guidoni, conduisait la bande de la tribu des enfants de Benjamin. Enfin la bannière des compagnies des enfants de Dan, qui faisait l'arrière-garde, partit, selon leurs troupes, et Aézé, fils de Amizadaï, conduisait la bande de Dan. Et Pagiel, fils de Cran, conduisait la bande de la tribu des enfants d'Azé. Et Aïra, fils d'Enan, conduisait la bande de la tribu des enfants de Nephtali. Tels étaient les décampements des enfants d'Israël, selon leurs troupes, quand ils partaient. Or Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, Madianite, son beau-père, nous allons au lieu duquel l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Et Hobab lui répondit, je n'irai point, mais je m'en irai en mon pays, et vers ma parenté. Et Moïse lui dit, je te prie, ne nous quitte point, car tu nous serviras de guide, parce que tu connais les lieux où nous aurons à camper dans le désert. Et il arrivera que, quand tu seras venu avec nous, et que le bien que l'Éternel nous doit faire sera arrivé, nous te ferons aussi du bien. Ainsi ils partirent de la montagne de l'Éternel, et ils marchèrent le chemin de 3 jours, et l'arche de l'Alliance de l'Éternel, alla devant eux pendant le chemin de 3 jours, pour chercher un lieu où ils se reposassent. Et la nuée de l'Éternel était sur eux le jour, quand ils partaient du lieu où ils avaient campé. Or il arrivait qu'au départ de l'arche, Moïse disait, lève-toi, ô Éternel, et tes ennemis seront dispersés, et ceux qui te haïssent, s'enfuiront de devant toi. Et quand on la posait, il disait, retourne, ô Éternel, aux 10 000 milliers d'Israël.